c'est sympa ça. J'ai dit moi. Ouais. Thank you. panne. Talt. Oh, oh, oh, oh. Hey copain, hey, tu verrais mon jardin, yo. Hallucinant. Eh, faudrait que tu baisses un peu la grosse caisse, Tom. Je suis en train de défoncer les tympans. Tu crois que tu les accords aussi? Oh, oh. building. Ça c'est coping. Coping. Allez Arnuldin, envoie-nous un bon petit groove là comme tu sais faire. Ouais, et tout coping. Oui. Toulouse en force, putain, garçon. Oui. Allez, Arnulding. Avec le son, c'est-à-dire. Avec le son, ah putain. Putain, du monde de garçon. Arnulding, es-tu là? Toulf, toulf. C'est partout. Thank you. moi je m'en reviens. Thank you. Racing. Elle est bonne ma tisane, elle est bonne ma tisane. Bien ce rythme. Bien ce rythme. On va le mettre BPJ 18. Ça se trouvera rond. 3-4, c'est pour ça. Mets-toi 4-4. Sur ce Reaper là, non ? Yes. Non. Thank you.